Le fan club français des New England Patriots partout, toujours, on est là. Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission du fan club français des New England Patriots. Cette semaine, émission exceptionnelle parce que on accueille un invité qui est exceptionnel. Vous le connaissez tous, vous le retrouvez chaque semaine sur le Touchdown Actu, vous le retrouvez dans le podcast. Un grand supporter des Patriots, j'ai nommé Alain Mattei. Bonsoir. Bonsoir. Et merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Ben, merci à vous. Et pour nous accompagner également, il nous fallait autre que le président. Bonsoir, président. Salut, salut à tous. Salut Alain, merci d'avoir accepté l'invitation. Et bonsoir, Cédric. Au sommaire de cette émission exceptionnelle, nous ferons le bilan de la saison régulière des New England Patriots à 2 matchs de la fin. Nous parlerons évidemment de l'attaque. On se posera la question si cette attaque n'est pas de vitesse. Nous parlerons évidemment de la défense où nous poserons la question de savoir si elle est coupée en deux avec un front seven performant et un backfield qui est beaucoup plus à la traîne. Et nous parlerons aussi du mental de cette équipe. Est-ce que ce n'est pas le véritable point faible des Pats? En deuxième partie d'émission, vous retrouverez l'interview de notre invité où on parlera de lui et des Patriots, son meilleur souvenir, son plus mauvais souvenir, comment il est devenu supporter des Patriots. Et en dernière partie d'émission, nous parlerons des playoffs et nous nous poserons la question de savoir où iront les Patriots. Est-ce que leurs faiblesses seront-elles rédhibitoires dans la fin de la saison? Et nous parlerons évidemment de la bye week et nous finirons évidemment par les pronostics. En tout cas, on vous souhaite une bonne émission. Le Fan Club français des New England Patriots, épisode 7, c'est parti. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. C'est le bilan des New England Patriots à 2 matchs de la fin de la saison régulière. Nous allons parler évidemment des Patriots, nous allons évoquer toute la saison régulière, nous allons parler évidemment de chaque partie du terrain, la défense, l'attaque et nous parlerons aussi du mental. Mais toute première chose messieurs, avec un bilan de 12-2, est-ce que ce bilan est vraiment flatteur ou est-ce qu'il reflète vraiment le niveau de cette équipe? On va commencer par notre invité Alain. Je pense que c'est plutôt représentatif dans l'ensemble, on s'attendait pas forcément d'ailleurs à ce que ce soit à 12-2 à ce niveau de la compétition au début de la saison quand on voit les pertes qu'il y avait eu notamment en défense. Et puis c'est vrai que c'est quand même un lendemain de titre, même si c'était pas le genre de la maison, mais voilà, c'est un lendemain de titre, c'était une saison à digérer et au final c'est reparti aussi bien. Et vu comment ont été gérées les blessures, je pense que 12-2, c'est plutôt honnête. Président, quel est ton avis sur ce bilan? Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je suis pas très surpris de cette fiche. On a quand même eu un tirage dans les matchs assez favorable, je trouve. C'est-à-dire qu'on se prend en début de saison Washington, Jacksonville, Philadelphie. On s'est dit Tennessee, on s'est dit tous ces clubs, c'est dans la poche. À l'arrivée, on a perdu contre Philly. Moi, je pensais qu'on allait plus perdre contre Pittsburgh au premier match parce qu'on n'est peut-être pas encore réglé, contre Dallas parce qu'il y a un Romo en forme, même si je l'aime pas beaucoup, il faut avouer qu'il est quand même de saison en saison de meilleur. Donc voilà, je pense que c'était pas les équipes que j'attendais contre lesquelles on a perdu, même si bien sûr perdre à Denver c'est on va dire que ça fait partie du jeu. Mais 12-2, non, je trouve pas ça flatteur. Je trouve que c'est assez mérité. Alors, je sais que ça va faire bondir pas mal de monde, puisque je sais que pas mal de monde trouve ça flatteur. Je pense pas, moi. Je trouve que c'est assez révélateur de la saison qu'on fait pour le moment. C'est assez carré, malgré 3 derniers matchs un petit peu plus discutables. Flatteur, je sais pas. En tout cas, on a pris le début de saison de manière, je dirais, de la bonne façon, avec une attaque qui est extrêmement performante. Donc, on a gagné les matchs sur un début de calendrier qui était assez facile. Maintenant, quand on voit la deuxième partie de saison et surtout sur les 4 derniers matchs, en considérant les 2 défaites et sur le match des Texans et sur le match des Titans, 12-2, ça reste. C'est pas le niveau de cette équipe à l'heure actuelle. Je pense que si on prend le niveau de l'équipe à l'heure actuelle qu'on leur fait faire toute la saison, on n'atteint pas un niveau 12-2. Donc oui, ça peut paraître flatteur, mais c'est le score tel que la saison s'est déroulée. Donc c'est pas flatteur, ça affiche pas le niveau à date. Mais c'est les Patriots ont pris les matchs qu'il fallait pour s'assurer la première semaine. Il leur manque pas grand-chose pour s'assurer l'avantage du terrain sur toute la partie des playoffs. Bon, et puis après, c'est aussi représentatif du coaching. C'est une équipe un peu spéciale à ce niveau-là. C'est-à-dire que 12-2, ça paraît haut sur la valeur intrinsèque des joueurs qu'il y a, et à cause des blessures notamment, mais le coaching équilibre tout ça et fait que cette équipe, elle est quand même plus ou moins dans ses standards au niveau des résultats, surtout vu les adversaires qu'il y a eu. Je suis tout à fait d'accord. Alors tout de suite, nous allons parler de cette attaque. L'attaque des Patriots a été, à mon avis, à deux vitesses. Une première partie de saison extrêmement performante, avec plus de 30 points de moyenne, et le couac. La blessure de Dan Lewis, la blessure d'Edelman. Et là, les Patriots ont peut-être perdu leur attaque, leur rythme en attaque. Alors, on a recruté des joueurs avec plus ou moins d'aisance, on a fait appel à des joueurs de banc plus ou moins performants. Ma première question, messieurs, sur cette attaque, est-ce que depuis les blessures, est-ce qu'on utilise les remplaçants ou les autres joueurs à leur vrai poste? Je pense notamment à l'époque à LeGarrette Blount, qu'on utilisait beaucoup à la base à un running back excentré, alors que son vrai poste est un running back beaucoup plus central. Notamment, et je pense aussi à Brandon LaFell, qu'on utilise comme un deep receveur, alors que ce n'est pas son rôle. Président, quel est ton avis justement sur cette question? Moi, je pense que le problème, s'il y en a un dans notre attaque, c'est surtout les blessures, et c'est surtout le yo-yo qu'a dû faire Belichick avec certains joueurs, par exemple dans la ligne offensive. Là, actuellement, avec les receveurs, on a quand même Amendola qui est encore sorti sur blessure lors du dernier match. On a Edelman qui est absent. On a Lafell, dont vous avez parlé la semaine dernière beaucoup lors du podcast, où je trouve que vous avez fait, on en a parlé un petit peu sur Internet aussi, où je vous ai trouvé très sévère. Le mec revient de blessure. Et c'est pas évident pour un joueur pareil de revenir d'une blessure quand même importante. Et d'être relancé dans le bain très tôt. Donc c'est vrai qu'il y a 2-3 matchs, il nous a fait 1 million de drops et on était tous énervés, déçus. Là, il répond quand même contre les Titans avec meilleur receveur des Patriots avec presque 90 yards. Donc je trouve qu'il revient assez bien. Donc je trouve que finalement, avec ce qu'on a, on s'en sort pas trop mal. Voilà ce que j'en pense. Alain, quel est ton avis justement sur l'utilisation de ces joueurs? On revient sur ce qu'on disait un peu sur le coaching, c'est-à-dire que est-ce qu'ils sont tous utilisés à leur vrai poste? Non, mais c'est Bill Belichick, quoi. C'est-à-dire qu'il les utilise là où il doit les utiliser, quand ça l'arrange, et si ça doit être un peu différent, ce sera un peu différent. Donc oui, Blount n'était pas forcément utilisé dans son rôle originel, mais après, il n'y a rien qui me surprend. C'est-à-dire que voilà, il fait ce qu'il a à faire. Et donc non, dans les faits, voilà, peut-être que non, mais dans l'esprit de cette équipe et de ce coaching-là, c'est pas surprenant non plus, et il arrive quand même à optimiser leur rendement, même si des fois il faut les sortir un peu de ce qu'ils font. Je pense même que ça peut avoir un aspect stimulant d'ailleurs pour certains joueurs de les sortir un peu de leurs habitudes, très honnêtement. Donc non, honnêtement, c'est pas un problème à proprement parler. Parce que quand on voit par exemple Brandon LaFell qui drop pas mal dès qu'on lui fait de longues passes, on a l'impression vraiment qu'il ne supporte pas à la fois de courir 40 yards et de recevoir une passe dans la foulée. Ça, le problème, c'est que c'est son boulot, en théorie. Ça, le problème, c'est juste qu'il a un trou au milieu des mains, mais il devrait les capter. Il est grand, il court vite, donc le problème, c'est qu'il devrait les capter. Bon, c'est plus sur sa valeur pure. Il fait une bonne saison l'an dernier, c'était pas non plus un joueur d'élite quand il était à Carolina, donc voilà, exactement, c'est ce que il y aura des trous, quoi. C'est pas devenu Randy Moss parce qu'il a posé les pieds à Boston, et exactement, on pouvait pas s'attendre à ce qu'il reste non plus sur le niveau de l'an dernier éternellement, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi, Alain, et je rebondis aussi sur un truc dont j'ai parlé sur Internet il y a quelques jours avec certains membres. Je disais que c'est quand même Belichick qui a viré un certain Tompkins, qui nous a fait des réceptions hallucinantes il y a 2-3 ans. On se rappelle de la réception qu'il fait dans la end zone des Saints, qui nous fait gagner le match. Bon, voilà, il avait des mains en or, il rattrapait les bombes. OK, mais à l'arrivée, il l'a viré et il a gardé la Fell. Donc, si Belichick fait le choix de garder la Fell, c'est qu'il a des qualités. Alors après, comme tu dis, Alain, je suis entièrement d'accord, c'est pas parce que la Fell, il a le casque des Patriots sur la tête que c'est Randy Moss, quoi. Et puis après, Tompkins, il fait des belles choses avec les Jets ces derniers jours. Donc, aussi. C'est à mon grande dame. Voilà, donc, je fais pas que des... il n'est pas infaillible, hein, Belichick, mais c'était un départ étonnant, Tompkins. Moi, je l'avais trouvé intéressant sur ce qu'il avait fait. Je n'ai pas trop compris, surtout que dans le profil de receveur costaud, il n'y en a pas des masses du côté de New York. Donc, j'étais un peu étonné de le voir partir aussi. C'est vrai qu'il y avait eu des irrégularités, mais il avait le bénéfice de la jeunesse. De ce côté-là, donc c'est vrai que c'était étonnant de ne pas le voir rester. C'est vrai que moi et mon maillot 85, on n'a pas compris. Vous parlez des receveurs, justement. Est-ce qu'on fait assez confiance à des joueurs qui viennent sur le banc, notamment on a recruté qu'on a eu par trade à la début de saison, on a eu Bryant notamment, qui, alors à l'exception du dernier match face à Tennessee, on le fait jouer en termes de snap, mais on ne le visait pas beaucoup. Est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là, au niveau de Bill Belichick, c'est qu'il se referme beaucoup sur les. C'est six buts prioritaires, quitte à ne viser plus que deux joueurs, alors qu'au départ, en début de saison, on visait beaucoup plus de joueurs. Après, c'est un peu la réputation du système qui serait un peu compliquée à assimiler, où il faut un peu de temps à certains joueurs pour rentrer dedans. Donc, est-ce que ces joueurs-là sont tout de suite à l'aise? Est-ce que, voilà, est-ce qu'ils courent les bons tracés? Est-ce que Tom Brady a un niveau de confiance aussi avec eux suffisant, ça fait beaucoup de choses. Donc, pour des joueurs qui arrivent en cours de saison, c'est toujours difficile quand même. C'était le tight end là, qui arrivait de Tampa, j'ai un trou sur le nom. C'était Wright, non, je sais plus. Oui, c'est ça, Tim Wright. Tim Wright, voilà, il est arrivé, il est passé, il est reparti. Quoi. Donc, bon, au milieu de tout ça, il y a des paris. Quoi. Donc, il faut voir, je sais qu'il y a Anderson qui est arrivé aussi d'Atlanta. Est-ce qu'il va être en bonne santé? Est-ce qu'il va pouvoir apporter quelque chose sur la fin de saison ou dépanner sur les derniers matchs? Ça fait partie des inconnus, mais c'est vrai que, bon, comme toutes les attaques, elles restent quand même axées sur ces joueurs majeurs. Donc, quand ils tombent tous au rythme où ils sont tombés ces dernières semaines, c'est vrai que ça commence à compliquer le nombre d'options. C'est ça, avec tous ces blessés. Et puis, je trouve que malgré tout, on ne s'en sort pas trop mal avec ce qu'on a. On a quand même, comme défaut aux Patriots, souvent de se retrouver dans des matchs où Tom Brady ne fait que lancer à Gronkowski ou que lancer des passes courtes sur les coureurs. Là, on a quand même vu, par exemple, sur le dernier match, un nombre de passes assez intéressant et assez varié. Donc, ça va, je pense qu'on ne tombe pas encore trop dans nos travers. Non, mais à l'exception, justement, du dernier match, tout le reste, c'est vrai que depuis les blessures, on avait tendance à se recentrer que sur les joueurs extrêmement majeurs et à moins viser les autres. Mais c'est vrai que sur le match face à Tennessee, on a vu James Wright qui a justement pas mal performé et on l'a réinvesti dans le jeu. Donc, c'est plutôt une bonne chose. C'est de bon augure pour la suite, en tout cas, si on continue à travailler de ce côté-là. Clairement. Après l'attaque, donc on passe à la défense. La défense qui est coupée en deux, où on a vu effectivement un front seven très performant au niveau de la D-line et au niveau notamment du pass rush, et un backfield qui est beaucoup plus à la traîne. Alors on va commencer par le front seven. Le pass rush des Patriots, clairement le vrai point fort de cette équipe en attaque. En défense, pardon. Allez, je t'en prie. Oui, non, Chandler Jones, c'est du solide. Après, ça a toujours été quand même plutôt bien géré sur la ligne. Et puis, moi, je suis assez fan de la signature de Jabal Sheard, que je sentais déjà comme un petit vol pendant l'intersaison, parce que c'est typiquement le genre de joueur qui sous-performe dans des équipes type Cleveland et qui se retrouve à exploser quand il arrive dans des équipes intéressantes, justement, qui sont à l'extrême opposé au niveau gestion, comme Green Bay, comme New England, ou des équipes comme ça avec les reins un peu solides. Et voilà, il est là, il produit, c'est exactement ça. C'est Hakeem Hicks ou Nix, je sais plus qui. C'est ça, Hakeem Hicks. Qui apporte aussi des choses, voilà, dans le rôle du gars qui arrive en cours de saison, un peu comme Hakeem Ayers l'an dernier, enfin. Donc c'est vraiment ça, c'est géré correctement, quoi. Ninkovic est toujours là, il y a toujours une super escouade de linebackers. Donc non, c'est à ce niveau-là, honnêtement, oui, il y a vraiment pas à s'en faire. Quand on voit que Mayo était censé être l'avenir au poste de linebacker, et quand il s'est blessé, au final, il y a Hightower qui est arrivé derrière, et puis il y a du monde qui est arrivé derrière, et qui aujourd'hui c'est une des meilleures escouades de linebackers de la ligue. C'est quand même aussi un gage de qualité. Autant il y a eu des ratés au niveau de la draft offensive ces dernières années, autant défensivement, il y a quand même du talent qui est rentré, quoi. Alors, on parle de talent, mais autant sur le front seven qui est rentré, autant sur le backfield, ça reste beaucoup plus compliqué. Alors, on a eu Butler, qui est la révélation du dernier Super Bowl et qui fait une saison très très bonne, qui laisse en tout cas, de voir de bons espoirs pour la suite, mais le reste, ça reste beaucoup plus compliqué. Président, tu me vois venir avec mes gros sabots. Je veux bien entendu te parler de ton joueur préféré. Oh que oui. Logan Ryan. Est-ce que ça va prendre... Alors, d'abord, je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Alain. J'ai pas grand-chose à rajouter parce que je suis mais totalement d'accord. J'ai aussi un petit faible pour Sheard que j'adore, que j'adorais avant qu'il vienne aux Patriots et qui apporte énormément, je trouve. Juste rebondir aussi sur Collins. Collins qui fait encore une saison fabuleuse et qui apporte énormément à ce front seven. Alors, bien sûr, on peut mettre... en opposition ce front seven avec notre backfield, j'ai même pas envie de le faire dans le sens où on rigole sur Logan Ryan parce que j'en ai fait un petit peu le souffre-douleur, je suis souvent en train de le critiquer. Honnêtement, je trouve qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a parce que je pense que ce sera pas jamais le meilleur corner de la ligue. Maintenant, il fait un travail qui est correct. Je trouve Butler vraiment, vraiment bon. Par contre, il me surprend. Je trouve qu'il confirme. Il a eu peut-être un petit peu peur au début, notamment après son match au Super Bowl. Forcément, il avait une pression d'enfer. Je trouve qu'il en est vraiment revenu et qu'il joue, qu'il est appliqué. Je trouve Chung très correct aussi. Alors, je pense que là, il est blessé pour un petit moment. On va voir. Mais d'après le choc, à mon avis, il ne sera pas là dans les deux prochains matchs. Et j'ai trouvé Richards aussi assez intéressant lors du dernier match. Voilà. Donc non, je critiquerai pas plus que ça l'escouade de défenseurs aériens. Par contre, je suis persuadé que c'est pas avec cette escouade-là qu'on pourra gagner le Super Bowl. Alors, j'espère me tromper, bien sûr, mais j'ai un peu peur. Alain, quel est ton avis justement sur cette escouade défensive? Bon, je suis plutôt... j'essaie de rester quand même plutôt positif, parce que c'est vrai que Butler fait une bonne saison. Ce qui était quand même une des grosses inconnues du début d'année, parce que on laissait quand même pas grand chose sur lui en dehors des 5 dernières minutes de la saison d'avant. Donc non, c'est plutôt une bonne surprise d'avoir Butler à ce niveau-là, ce qui fait quand même déjà la moitié ou un tiers du boulot, ce qui est mieux que rien et mieux que certaines défenses. Et du coup, derrière, bon, il y a quand même McCourty qui est aussi à ses côtés, donc je pense qu'il y a une moitié de backfield très très correct. Et puis après, faut compenser et jongler ce que Bill Belichick est plutôt habitué à faire. Et donc, encore une fois, au final, ils sont quand même plutôt bien lotis, peut-être pas très bien lotis, mais plutôt bien lotis par rapport à la plupart des équipes qui sont obligées de faire la même chose avec encore moins. Donc au final, c'est plutôt positif. De toute façon, c'est impossible d'avoir, c'est très rare d'avoir du talent à tous les postes de la défense. Il y a forcément, c'est sûr, il y a forcément un ou deux points noirs ou deux points faibles par endroit. À part si on est les Seahawks d'il y a 2 ans, voilà. Mais du coup, voilà, il faut gérer ses points et c'est toujours ça. Et aujourd'hui, c'est plutôt pas mal et la défense est quand même largement au-dessus du niveau qui était attendu pendant l'intersaison, à mon avis, surtout au niveau du backfield au final. C'est sûr. Par contre, là, moi, où je suis pessimiste, c'est j'ai peur en réalité qu'on tombe en play-off contre des équipes type Steelers avec un Roethlisberger ou chez les Kansas City qui vont nous bombarder sur les côtés et j'ai peur à ce moment-là qu'on se prenne une petite rousse. On va voir. Après, n'importe qui prend des points contre les Steelers, quoi. C'est ouais, ça, c'est sûr. Pas faux. Ouais. Le but, ce sera de tenir avec l'attaque, justement, le répondant en face des Steelers, notamment. Notamment. Après, les Steelers, ce sera l'épouvantail des playoffs pour n'importe qui. C'est pas ouais. Faux. C'est une équipe. Enfin, Roethlisberger, il en a déjà deux, des bagues, il sait comment ça marche. Il a plus de receveur que jamais. Ça va être très, très, très dur à prendre en playoffs, quand même. C'est vrai. Et puis surtout les Steelers, c'est, pas les Ravens cette année, mais Steelers et Ravens, ça a toujours été les épouvantails de conférence qui passent juste et qui arrivent après derrière. Oui, et puis qui ont l'expérience en plus. Et ce serait le deuxième tour pour les Patriots, hein, ce ne serait pas la finale de conférence en plus vu les classements actuels. Donc. Justement, les playoffs, on en reparlera en dernière partie d'émission. Après avoir parlé de la défense et de l'attaque, je voulais aborder ce point avec vous, messieurs, le mental. Le mental de cette équipe qui est au final... peut-être le véritable point faible. Quand au fil de la saison, on voit les deux défaites des Patriots, il y en a, on ne l'espérait pas forcément, mais on souhaitait plus ou moins une défaite des Patriots, notamment due pour qu'on puisse travailler sur nos problèmes de backfield. Au final, les deux défaites qu'il y a eu des Patriots sont dues plus à des erreurs mentales, parce qu'il y a des problèmes d'engagement, des problèmes de concentration, des problèmes de relâchement. Est-ce qu'au final, cette équipe, quand on voit sur les... déjà sur les... par rapport aux deux défaites, est-ce qu'il n'y a pas un risque de rechute sur ces erreurs qu'on s'est soi-même créées, qu'on n'avait pas en début de saison, et qui pourraient nous porter préjudice sur, bah, sur l'avenir ? Je pense pas. Moi, je suis assez optimiste par rapport à ça. Je les sens pas prétentieux. Je les sens pas si sûr d'eux que ce que certains veulent faire croire. Moi, la partie, on a parlé de l'attaque, on a parlé de la défense. La seule partie qui finalement m'inquiète un peu au niveau mental pour la suite, c'est les équipes spéciales en réalité. Parce que on peut parler des erreurs qu'il y a eu ces derniers temps en équipe spéciale. C'est assez rare chez les Patriots pour le souligner. Donc je vais être un peu taquin avec vous, mais enfin moi je vais être positif aussi parce que j'ai remarqué que sur le site souvent les supporters d'équipes en particulier, les gens qui suivent une équipe, ont tendance justement à s'inquiéter beaucoup et à être très sévère, à se fixer, à être très sévère avec leur équipe. Et ayant pour le coup, enfin je suis supporter des Patriots, mais on en reparlera un peu plus tard, mais je suis pas non plus à fond. Et je suis moins inquiet pour le fait que déjà c'est une équipe qui a du vécu, c'est des coachs qui ont du vécu, et on fait jamais une saison parfaite. Alors, on va parler des Panthers, mais il y a toujours des hauts et des bas dans une saison, des matchs sans, un jour où le pass rush va moins bien, ou un jour où la ligne va moins bien, et du coup Brady prend des coups, etc. Donc, ça m'inquiète pas je pense pas qu'il y aura de rechute, ou que c'est vraiment un danger, surtout avec une équipe comme ça. Ils sont arrivés, ils n'ont pas pris des roosts, quoi. C'est pas des équipes qui sont allées, ils sont pas allés prendre des cartons. Voilà, ils sont toujours prêts à jouer, ils sont prêts à, tactiquement, physiquement. Voilà, il n'y a pas eu de gros trous d'air, donc je pense pas que ça arrivera. La petite crainte, c'est toujours la même chose avec les Patriots en playoff, c'est que Brady prenne des coups un peu vite, qu'il ait les fesses par terre avec son air désolé, et que ça soit une longue journée et que l'attaque avance pas. Voilà, mais ça c'est tous les ans pareil, et c'est ce qu'on disait, c'est que s'ils tombent sur les Steelers, ce serait différent parce que ça leur proposerait surtout un challenge offensif, mais s'ils tombent sur un Denver et que la ligne se trouve et que ça vient vite et qu'il fait froid, etc., là ça peut être compliqué, mais je pense pas que ce sera vraiment une question mentale. Et puis ils jouent cette année vraiment comme s'ils avaient rien à perdre et comme s'ils étaient heureux. Moi je suis justement au contraire d'avoir eu ce titre l'an dernier qui les libérait quand même après quelques échecs. Donc au final, non, je pense pas que le mental soit un problème. Bah parce que par exemple, moi, si je regarde le dernier match des Titans, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est au niveau de cette attaque, là où on pourrait travailler par exemple sur un match des Titans, en deuxième mi-temps, l'attaque elle était un peu poussive au petit trot, et au final on arrive quand même à perdre la deuxième mi-temps face aux Titans. Ah ouais, mais c'est ce que je disais. Trop sévère. Vous pouvez pas gagner toutes les mi-temps, tous les trucs. Il y avait rien en face, c'était déjà plié. C'était Zach Mettenberger qui était rentré. Enfin, au bout d'un, c'est vraiment non. Ils jouent avec un coach intérimaire et tout. Ils sont au bout du rouleau. Je suis entièrement d'accord avec toi, Alain. Mais vraiment, à 100%. Non, vraiment, faut pas s'inquiéter pour un match comme ça qui était vraiment pas sans intérêt, mais qui était une formalité quasiment, et au final ils l'ont quand même géré sérieusement. Donc le score est inquiétant, c'est de se faire piéger, de se retrouver dans un match serré, et au final il n'y a eu aucun suspense, quoi. Moi je trouve que les trois derniers matchs, sur le papier, tu vois arriver Philly, tu vois arriver Houston, tu vois arriver Tennessee, c'est des équipes qui sont à notre portée, clairement. C'est un moment de la saison où tu es quand même à une défaite sur 12 matchs, ou 11, je ne sais plus, tu arrives, on va dire que tu arrives un peu serein. Alors oui, tu arrives peut-être un peu trop serein parce que contre Philly, tu perds, mais derrière, tu te ressaisis, tu gagnes à Houston, oui, on n'a pas fait le match du siècle, tu gagnes contre Tennessee, oui, on n'a pas fait la deuxième mi-temps du siècle, mais tu gagnes. Donc ça fait partie du jeu d'avoir des matchs comme ça en saison, surtout quand il y a les Patriots, quoi. Donc non, vraiment, je suis pas inquiet non plus, quoi. Mais après, sur la deuxième partie de saison, sur la deuxième partie du match, est-ce qu'on justement on n'aurait pas plus intérêt à essayer de jouer sur des joueurs qui d'habitude qu'on ne vise pas, des Bryant, des joueurs pour leur donner confiance, les impliquer, ou quand on en aura besoin au niveau des playoffs, sur une action ils sont capables de faire le catch parce qu'ils sont concentrés tout le long, parce qu'on les a impliqués à un moment donné dans la saison. Mais tu as eu du Martin, il est visé, c'est quand même c'est pas un joueur qu'on a depuis 10 ans, quoi. Williams, il a été visé. Tu as des tentatives, tu as Laffel quand même qui a été beaucoup visé, alors qu'il dans les matchs d'avant on doutait un peu de lui. Donc non, je trouve, moi pour moi tu as des essais, tu as Josefa qui a couru. Tu as Bolden qui a couru, tu as White qui fait 7 réceptions. Donc moi, je trouve qu'il y a des choses qui ont été tentées quand même. Je vous trouve particulièrement sévère les membres cette semaine avec les Patriots, quoi. Et je te mets dedans, Cédric, parce que tu en fais partie. Ah non, merci. Oh, sévère, non. Moi, c'est juste. Enfin, moi, je trouve qu'on aurait peut-être. Autant sur le Mighty Titans, on a impliqué les autres joueurs. Mais c'est vrai que sur les matchs, c'est surtout sur les matchs Ouais, mais tu as des précédents. blessés aussi les matchs précédents, donc tu essaies de sauver les meubles un peu. Tu vois, c'est pas Oui. des matchs faciles. Je pense que c'est des matchs pièges et qu'on aurait pu perdre contre les Texans, on aurait pu perdre contre les Titans. Voilà. Si t'es pas si rodé, tu perds. Donc à l'arrivée, on n'a pas perdu et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Oui, c'est sûr, c'est important, on verra, ça sent, c'est le juge de paix, on sait tout, ça sera en playoff. Oui, c'est une équipe qui joue pour ça, hein, de toute façon. Exactement. Mais écoutez, merci monsieur pour cette première partie d'émission. Nous, on passe à la deuxième, l'interview de notre invité. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons cuisiner un peu notre invité. Nous allons connaître un peu, on essaie de connaître en tout cas lui et les Patriots. Ma première question, Alain, comment êtes-vous devenu supporter des Patriots? Alors déjà, je vais me permettre quand même de préciser une chose, et je suis reconnaissant de l'invitation. Hein. Vous m'avez invité en tant que fan des Patriots, je tiens à préciser quand même que alors, je suis fan je suis supporter des Patriots. Après, je suis pas non plus voilà, fan ultime, et j'avoue, et je crois que je l'avais déjà dit dans l'émission sur Jeune Actu, déjà, un, ça n'entache pas mon jugement quand j'écris et quand je parle, comme on a pu me dire, mais on m'a accusé d'être à peu près contre toutes les équipes, hein, depuis 5 ans, donc ça, c'est pas... Et surtout, non, et surtout, c'est vrai que si les Patriots perdent et que ça me fait un bon titre ou un bon papier, des fois, je suis pas spécialement triste. Voilà, j'ai l'instinct journalistique qui prend parfois le dessus. Donc, sinon, donc, pour répondre à la question, comment je suis devenu fan des Patriots, c'est une bonne question parce que je me rappelle plus vraiment. Je me rappelle surtout avoir regardé le premier Super Bowl qui gagne, et ça doit être le premier Super Bowl que je regarde en direct, à l'époque où les Rams étaient super favoris. Donc, c'était en 2002. 2001. 2001? Ouais. C'était le. Ouais, mais il se joue en 2002 parce que c'était juste après le 11 septembre. Ouais, c'est en septembre, ouais, exactement. Donc c'est ouais, février 2002. C'est ça. Donc je me rappelle avoir regardé ce Super Bowl-là en direct avant d'aller en cours sur une chaîne allemande parce que je n'avais pas Canal+. Oui, c'était la DSF à l'époque. Ouais, c'était DSF. Je la regardais aussi. Je me rappelle avoir dormi dans le salon de mes parents pour regarder le match. Et donc voilà, ça a commencé là. Et c'est vrai qu'après, j'ai eu un petit trou. J'ai pas forcément suivi à fond pendant toutes mes études et tout ça. J'avais suivi d'un œil quand il gagne les deux Super Bowl. Et puis voilà, donc je reviens. Et la première année du site, en plus, c'est l'année de la saison parfaite. Donc ça jouait super bien. C'était vraiment une manière idéal de se relancer, de lancer le site, donc c'est toujours resté un peu comme ça. Après, comme je disais, c'est pas je suis pas fanatique non plus, et voilà, j'ai des coups de cœur pour d'autres équipes aussi. J'ai un petit truc pour les Rams aussi, parce que justement, il y avait ces deux équipes-là dans le premier Super Bowl que j'ai regardé. Et puis voilà, après, il y a un truc, j'aime bien Tom Brady, le personnage, pas trop ses opinions politiques ces derniers jours, mais j'aime bien Tom Brady, je trouve plutôt pro, plutôt sympathique. Voilà, et puis en plus ces dernières années, il y a des gens comme Rob Gronkowski, ça facilite aussi l'attachement. Donc non, il y a toujours un petit truc, voilà, qui est resté pour cette équipe, des vieux souvenirs de Tom Brady et de ces choses-là. Donc ouais, non, je pense que c'est un peu tout ça qui a fait que je garde toujours un œil sur cette équipe-là. Et quel est votre meilleur souvenir en tant que supporter des Patriots? J'ai de la chance parce que je suis privilégié, mais c'est pas très dur à imaginer. J'étais en tribune de presse au mois de février dernier. La tribune de presse, elle est située juste devant la end zone où Malcolm Butler a réalisé son interception. Donc c'est assez simple à dire que c'est voilà. En plus, bah, c'est ce jour-là où j'ai tweeté que j'étais supporter des Patriots. Aïe, aïe, aïe. Mais je l'ai fait parce que j'étais dans le moment où je passais un super bon moment, quoi. Et comme je vous le dis, c'est que pendant toute la saison, très honnêtement, je garde un œil et voilà, il y a un petit truc quand les Patriots gagnent, j'ai un petit sourire, etc. Mais s'ils perdent, c'est pas grave, je fais mon article. Si c'est une grosse surprise, je me dis bon bah c'est cool, ça fait un bon titre et ça fait un bon truc. Mais là, j'étais dans le truc, j'étais devant, on avait passé toute la semaine sur place, etc. Donc forcément, le soir du match, je me suis laissé aller et c'était un super moment. On est allé dans les vestiaires après. Enfin, c'était forcément là, on le vit différemment et on est obligé de. Et puis j'avais envie d'en profiter aussi. Parce que si, c'est aussi le truc, c'est que toute la saison, je suis, en tout cas j'essaye d'être le plus neutre possible et de faire le boulot correctement, mais si je fais ce boulot à la base, c'est parce que j'aimais le foutu S et que j'ai été supporter et que j'ai des émotions. Et quand les gens nous disent oui, mais vous êtes pas neutre ou faut que vous soyez neutre, on peut pas être un robot. Si on écrit là-dessus, c'est qu'on aime ça et qu'on a eu des émotions et que voilà. Donc ce jour-là, je me suis lâché, j'ai laissé venir. Et donc c'est vrai que sur l'interception, je pense que je suis debout dans la tribune de presse. Et voilà, et je m'en suis éclaté. J'ai mis moi sur Facebook, enfin sur pas sur Facebook, sur Twitter, avec les confettis derrière qui volent et tout ça. Et tu as été critiqué parce que tu avais tweeté que tu étais pour les pattes, alors. Ouais, il y a quelques gens qui m'ont fait remarquer, mais après c'est que après il y a aussi des gens qui analysent a posteriori, qui disent ah je le savais parce que t'avais écrit ça comme ça. Ouais, d'accord. Mais dans les faits, je pense très honnêtement. Hein, bon, et puis après ça c'est un autre sujet, mais des fois on est accusé d'être contre telle équipe, contre telle équipe. Mais dans les faits, on fait que rapporter les faits. Mais comme les faits sont négatifs, des fois on nous dit bon voilà quand il y avait le Bounty Gate, certains supporters des Saints nous disaient vous vous acharnez, etc. Bon bah non, on sort les faits quand y en a, on les relaye. C'est pas nous qui les créons quoi. Bien sûr. Donc et ça a fait pareil avec d'autres affaires. Mais je pense qu'il y a des supporters des Patriots qui ont cru qu'on était contre les Patriots quand il y avait le Deflategate ces derniers temps. Hein. Mais ça c'est le encore une fois c'est l'humain. Hein, j'en veux pas. Oui, ça fait partie du jeu. Oui, non, on est habitué. Très honnêtement, on le prend à la rigolade. Hein. Et puis, ça nous fait marrer quand il y a certains gens qui nous disent oh, vous êtes vraiment pour telle équipe, alors qu'en fait, il y a 2 ans, on nous disait qu'on était contre, quoi. C'est plutôt marrant, ça. Mais encore une fois, c'est vraiment bon enfant. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Je veux dire, on a la chance d'écrire sur un sujet pas sérieux. C'est aussi. Je veux dire, on ne traite pas de politique ou de choses graves, donc il faut aussi en profiter, quoi. Ah, c'est sûr, mais en tout cas, ça se voit pas que vous êtes supporter de telle ou telle équipe. Vous êtes assez neutre en tout cas quand vous écrivez vos articles et vous êtes passionné dans tous les articles et dans le podcast. Ça sent juste que vous êtes passionné de NFL et il n'y a pas de. Oui, c'est vraiment l'idée, honnêtement. Non, mais moi, pour être franc, quand Cédric qui m'a dit il y a Alain Mattei qui vient pour la prochaine émission, tout ça, il m'a dit parce qu'il est supporter des Patriotes, je n'étais pas au courant. Donc, comme quoi, ça se voit pas tant que ça. Je l'avais dit, en fait, au tout début du site, c'était marqué sur le forum, il y a marqué nos équipes préférées, tout ça. Je l'avais retiré au bout d'un moment. Si tu as commencé à prendre de l'ampleur, et donc on m'avait souvent demandé dans les débuts du podcast, on me demandait tout le temps quelle est l'équipe préférée, etc. Et voilà, et donc je le disais pas parce que je voulais pas après qu'on m'accuse de choses ou d'autres. Je l'ai lâché le soir du Super Bowl, après j'en reparle pas quand on me demande pas. Là vous m'invitez, je viens parce que ça me fait plaisir de parler Oui. avec elle. Très honnêtement, ça aurait été un podcast sur les Giants ou sur les Jets ou sur n'importe quelle équipe, j'aurais accepté aussi quand j'ai Non, les Jets, c'est pas possible. Mais parce que ça me fait Je plaisir plaisante. de parler, ça me fait plaisir de parler NFL, ça me fait plaisir qu'il y a des gens qui créent des podcasts, etc. Donc, très honnêtement, ça doit être une des premières fois où je suis invité ailleurs sur un podcast NFL. Mais je veux dire, si voilà, que ce soit Patriots ou pas, je le fais avec plaisir quand j'ai le temps. Donc, non, non, c'est. Et pour répondre à la question, quand même, juste pour finir sur les souvenirs, en petit bonus, il y en a un autre quand même du Super Bowl. C'est que je me suis retrouvé dans l'avion à côté de la maman de Dont Hightower en rentrant. Ah, sympa. Et je crois que j'en avais parlé dans le podcast aussi. Au début, j'en avais pas parlé la semaine où on est rentré parce que je trouvais que c'était plus perso. C'est vrai que c'était un souvenir assez, sans dire ce dont on a parlé, mais je me suis retrouvé voilà, par hasard à côté d'elle dans l'avion. C'était un vol intérieur en fait de transition. Et on a discuté pendant 1 heure et demie et c'était une dame adorable. Et en fait, c'est comme c'était le lendemain du match, c'était le lendemain du Super Bowl. Elle m'a sorti de son sac une petite pochette où elle avait gardé les gants du match. Elle avait des confettis qu'ils avaient ramassés par terre. Ils avaient plein de trucs. Elle m'a montré quelques photos de la soirée où ils étaient allés après. Enfin, vraiment. Mais un pur hasard. Pur hasard, et en plus j'avais été appelé au guichet juste avant l'embarquement pour qu'on me demande de changer de place parce qu'il y avait une famille qui voulait être regroupée ou je sais plus quoi. Et donc je me suis retrouvé par hasard à côté d'elle. Je sais plus comment, au bout de 10 minutes, je sais pas, je sais plus comment, si elle avait un t-shirt ou une casquette ou un truc comme ça. Et je lui dis, vous étiez au match hier? Et elle me dit, oui, mon fils était au match. C'est énorme. Et je dis, ah bon, et donc elle m'explique voilà, qu'elle est la mère de mon Hightower et tout ça. Voilà. C'est assez. Mais c'était très honnêtement, parce qu'il ne faut pas se mentir, les interviews, c'est toujours assez convenu dans le sport, en tout cas la plupart du temps. Et donc c'est vrai que voilà, je ne peux pas dire tout ce qu'on s'est dit, etc. Mais j'avais l'impression d'en apprendre beaucoup plus en lui parlant à elle qu'en parlant à tous Ah les non, gens mais avec qui j'avais parlé pendant la semaine, quoi. c'est sûr, c'est sûr. Moi, je rebondis parce qu'il y a une anecdote qui me fait penser à ce que tu es en train de dire, Alain. Une année, j'étais aux États-Unis, en Californie, et je suivais une athlète, une cycliste, donc qui pédalait, qui traversait les États-Unis en vélo. Et on a rencontré le père de Carson Palmer en plein milieu de la Californie, dans un bled paumé. Et ça m'a fait exactement la même impression que ce que tu es en train de dire. J'ai parlé avec lui et j'ai appris sur Carson Palmer des choses, choses intimes, limite, quoi. Ah, c'est assez C'était assez fou ces moments-là. c'était vraiment un souvenir incroyable. Et pour finir dans notre interview, mais en même temps, juste avant quand même, c'est vrai qu'en étant quand j'arrive, vous avez dû en voir quand même, il y a pas eu pas mal d'anecdotes. C'est quand même rencontrer la mère de Dante Hightower, c'est quand même assez impressionnant. Ben ça, encore une fois, c'est vraiment fou parce que j'étais vraiment, c'était même pas lié au statut de journaliste. Du coup, quand j'étais dans l'avion du retour, moi je rentrais chez moi, elle aussi, et on s'est retrouvés assis côte à côte. Mais c'est vrai qu'après, dans le cadre du boulot, oui, il se passe des trucs. Déjà, d'avoir accès au vestiaire, c'est hyper spécial, quoi. Parce qu'on est quand même plongé en plein dans du truc. Et puis du coup, oui, on s'imprègne mieux de l'ambiance, mais moi je pourrais comprendre que demain ils décident de fermer le vestiaire, parce que c'est vrai que c'est une situation quand même assez spéciale, même pour les joueurs. Je comprendrais qu'un jour ils disent, bon voilà, peut-être respecter leur vie privée, parce que vous vous retrouvez là au milieu du vestiaire, voilà, vous êtes habillé en tenue de ville avec une veste, etc. Et puis eux, bah, ils sont habillés, ou alors ils sortent de la douche quand c'est après le match, enfin, c'est quand même assez spécial comme ambiance, donc oui, du coup, il y a pas mal aussi d'anecdotes. Mais après, c'est vrai qu'en étant. Et puis la semaine du Super Bowl, c'est quelque chose d'encore plus spécial, parce qu'à Londres, vous les voyez qu'après le match, et ça va assez vite. La semaine du Super Bowl, c'est assez spécial, parce qu'on a l'impression de vivre avec eux quasiment pendant une semaine, quoi. C'est-à-dire qu'on les voit le lundi pour le. Enfin, là, par exemple, la semaine à Phoenix, on les avait vus le lundi quand ils étaient arrivés de l'aéroport, on les voit le mardi pour le Media Day, on a une séance média le jeudi matin, enfin le mercredi matin, le jeudi matin. Je crois qu'il y avait quelque chose le vendredi aussi. Et donc on se voit quasiment toute la semaine, tous les jours, jusqu'au match où on est dans les vestiaires encore après le match. Donc c'est un peu la colonie de vacances. On a l'impression de passer son temps avec eux, quoi. Donc c'est vrai, ça crée des trucs spéciaux. Et c'est vrai que du coup on en rencontre quand on va parler à certains joueurs. Et c'est vrai que des fois il y a des bonnes surprises. Il y en a qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres. Il y en a qui sont beaucoup plus bavards que d'autres. Et puis après il y a aussi. Après ça c'est que mon avis, mais c'est vrai que. Les joueurs NFL voient beaucoup de médias US toute l'année et souvent les mêmes. Donc c'est vrai que quand vous débarquez là-bas et qu'ils ne vous connaissent pas, il y en a certains, du coup, je pense que ça les change un peu et qui sont plus ouverts ou alors qui. Voilà, ils se livrent pas forcément plus, mais du coup, ça les change, ils ont le sourire. Moi, je sais que ça devait être la première année, mais il y a certains joueurs des Seahawks ou des Broncos qui m'avaient branché, bah voilà, tiens, t'as un accent, tu viens d'où? Ah, de France. Ah bah ouais, je suis allé en voyage de noces avec ma femme en France. Voilà, ils commencent à te raconter leur vie parce que du coup, ils étaient français et puis ça les change un peu, quoi. Donc du coup, c'est vrai que des fois, il y a des bons moments comme ça. C'est assez. Parce qu'au final, c'est que des jeunes gars de 25 piges, quoi. Bien sûr. Donc souvent, c'est vraiment des mecs très gentils. Et puis bon, voilà, les sportifs US, ils sont habitués aux interviews. Donc c'est soit ils font le minimum syndical. Ils répondent aux questions et merci, au revoir. Soit ils sont ouverts et du coup ça discute et c'est sympa. Les équipes spéciales des Broncos, la première année où je fais le Super Bowl, voilà, ils sont super cool. Ils sont trois autour de la table, on discute avec les trois en même temps, ils font des blagues. C'est vraiment. Très honnêtement, les Patriots, c'est plus business pour la plupart d'entre eux. Mais oui, il y en a toujours, quoi. Gronkowski, il est agréable. Brady, il est hyper poli quand il répond à toutes les interviews. Il a toujours le sourire. Il est dans le truc gendre idéal vraiment en permanence. On sent le communicant hyper aguerri. Le Gronk, il est, c'est une crème aussi, quoi. C'est vraiment pas une légende pour le coup. Il est vraiment agréable et disponible et tout. Enfin, c'est vraiment. Super bien aussi. Bon, il y en a d'autres qui sont un peu plus ronchons, encore une fois, mais dans l'ensemble, non, non, c'est vraiment. C'est sûr qu'on fait le plein de bons souvenirs quand on fait ce métier-là, et encore une fois, c'est ce que je disais, on le fait à la base parce qu'on aimait ça et qu'on était fan, et que. Donc voilà, après, faut le faire correctement et se tenir, et encore une fois, j'essaie de le faire au mieux, mais c'est vrai qu'après, on est aussi là parce on adore le sport, quoi. Donc, forcément, grâce à ça fait plein de souvenirs fous. Voilà, on n'a pas l'impression de bosser quand on est au stade, la plupart du temps. Tu m'étonnes. C'est clair. Et en parlant de souvenirs, si vous deviez retenir un joueur des Patriots, celui que vous préférez, vous retiendrez lequel? Ah, je suis obligé de dire Brady, je pense, parce que c'est le plus ancien, c'est celui qui est là et qui marque la continuité depuis tout le début où je suis. Je pense que c'est forcément Brady, et parce que j'ai toujours les images, pour le coup, au niveau moment fort, de cette saison 2007, où vraiment c'est la première, donc où j'écrivais toutes les semaines sur le site, etc., et où je regardais ces matchs de cette saison parfaite, et où c'était juste hallucinant, quoi. J'avais l'impression de les regarder jouer à Madden les premières semaines, ou quand ça se connectait avec Randy Moss. Où il restait derrière la ligne comme ça pendant une, deux, trois, quatre, cinq secondes. Il attendait, puis il mettait une mine sur 50 yards, l'autre il captait ça à une main dans la end zone entre un ou deux mecs des Dolphins. Je me rappelle, ils avaient étrié les Dolphins une semaine. Du coup, c'est les souvenirs les plus forts. Cette connexion Brady Moss là, sur la saison 2007, c'était assez incroyable quand même. Et à l'inverse, justement, alors ça va pas faire que des heureux, quel joueur vous avez détesté? Lequel qui vous insupportable, le pire? Alors, il y a Kevin Faulk, mais alors pour des raisons un peu étranges, c'est Ouh que. là là! Et c'est ainsi que l'interview d'Alain Mattei se termine. Alors, c'est bon. Quand je Je regarde plaisante. mon premier Super Bowl Rams Patriots, je connais que les Rams. J'ai été lancé sur le foot US par un pote de lycée qui a le maillot de Kurt Warner, qui est à fond les Rams et tout ça. Donc, sur le coup, moi, je suis plutôt Rams quand je commence à regarder le truc. Et je voyais ce mec, Kevin Faulk, qui n'arrêtait pas à chaque fois qu'il avait besoin d'un first down, qui allait le chercher, qui trouvait un coup au sol, un coup au truc, et il me rendait fou, quoi. Donc c'est mon premier souvenir de joueur des Patriots qui m'a agacé, mais parce qu'à ce moment-là, j'étais pas forcément pour lui. D'accord. Et après, qui m'a agacé alors que j'étais plutôt côté Patriots, qui m'a agacé. Bon, Randy Moss sur la fin, mais c'est le personnage, donc je dirais même pas que ça m'a agacé. Qui m'a agacé? Une bonne question. Peut-être, il y a une époque où Bill Belichick m'a agacé quand il draftait des cornerbacks qui bustaient au deuxième tour tous les ans. Ah, je suis sûr, ça me plaît, ça. Il y a eu cette période-là infernale où ils n'arrivaient pas à se renforcer sur la défense et où ils faisaient des choix un peu justement comme ça qui étaient un peu embêtants. Donc c'est plus ça, moi, cette période-là m'agaçait. Et puis la période des quelques défaites de suite en playoff où ils avaient l'air apathiques, où ils se font plier par les Ravens une année, et où ils avaient plus l'air de franchir ils avaient plus l'air de passer le cap en playoff. Mais j'ai pas de souvenir de joueurs particulièrement comme ça, un peu souffre-douleur qui m'aurait embêté. Non, il n'y en a pas qui me vient comme ça en tout cas. Yedigbo. On en revient toujours à lui. Il y a Merryweather, mais il est devenu agaçant après être parti. C'est vrai, aussi. Quand il s'est mis à chasser des têtes, là, c'était infernal. Mais donc, oui, il m'a agacé, mais je crois qu'il était déjà à Washington, je sais plus où il est passé aussi. Bah, c'était Washington, je sais même pas, après si derrière il a été cuté, je crois, après derrière il a arrêté, hein. Je crois Ouais, qu'il a pas retrouvé les mémoires. possible. Mais il a eu une grande époque où il s'était même cogné contre un de ses propres coéquipiers, les champions, là, il s'était positionné l'un l'autre. C'était génial. C'est sûr, mais en tout cas, merci Alain pour cette interview. Et nous, on passe à la dernière partie d'émission où on va parler des playoffs. Patriots sont qualifiés pour les playoffs pour une nouvelle année. Nous avons donc, avec la victoire face aux Titans, conjuguée à la défaite des Bengals et celle des Broncos, validé la first week. Pas encore l'avantage du terrain, mais on espère que ça viendra d'ici les deux matchs de saison régulière. Il me semble qu'avec une seule victoire, on s'assure l'avantage du terrain. Première question, messieurs. Quelle est l'importance pour vous d'avoir une bye week pour cette semaine des playoffs pour les Patriots, sachant qu'en saison régulière, la bye week est arrivée très très vite. Bon, c'est pour une autre équipe, j'aurais dit que c'était pas forcément un avantage, ou en tout cas qu'on sait jamais, parce que voilà, selon l'expérience, est-ce qu'il faut couper une semaine, est-ce qu'il faut pas couper. Les Patriots y sont habitués, donc tant mieux pour eux, le staff sera géré, ça c'est pas un problème. Et puis vu les blessures qu'il y a eu, une semaine de plus pour se remettre, pour mettre un peu de bétadine et de mercurochrome un peu sur tout le monde. Ça fera pas de mal, donc non, c'était vraiment important de l'avoir, très honnêtement, à mon avis, pour eux. Rien que pour Edelman, pour Gronkowski, enfin tout le monde a des petits bobos dans toutes les équipes à cette période de l'année, mais c'est quand même toujours un super avantage de l'avoir, surtout quand on a un staff qui sait le gérer. Je crois que c'est la sixième année de suite qu'ils ont une bye week. Donc non, c'est clairement un super avantage pour eux. Président, quel est ton avis justement sur cette bye week? Oh, clairement. Les Pats, ils ont gagné 4 Super Bowls et 4 fois, ils ont eu ce premier tour de play-off. Ils n'ont pas eu ce premier tour de play-off, donc enfin, ce wild card. Donc, non, si on peut éviter un match, attendre un peu que les blessés reviennent de blessure et que Steven Jackson s'entraîne encore un petit peu à bien apprendre les schémas tactiques, je prends, moi. Il n'y a pas de souci, c'est plutôt bon. Oui, parce que ça, la bye week des Patriots, c'était en saison arrivée très tôt. Donc là, ça va nous permettre de récupérer des blessés, de pouvoir travailler. Après, il y a toujours ce petit danger de se retrouver face à une équipe après derrière eux qui va être lancée. Alors après, ça dépend de l'équipe qu'on affronte. Oui, mais ça, c'est l'éternel débat, c'est toujours pareil. Je crois pas que, comme il disait Alain, je crois pas que ce soit un problème pour les Patriots. Ils sont ultra habitués à ça. Ça fait partie de l'histoire et le staff, il gère ça merveilleusement bien. Donc non, c'est plutôt très positif. Il y en a qui savent même pas que on doit jouer des fois à la suite de la. mais j'en suis sûr. On a parlé en première partie de l'émission des faiblesses donc des Patriots, que ça soit les corners et. Moi, je pense, mais moi, pour autorer un peu du côté mental, est-ce que ces faiblesses vont permettre aux Patriots d'aller loin pour ces playoffs, président? Je t'ai dit tout à l'heure, on en a parlé, j'ai peur que ce corps de defensive back ne suffise pas contre certaines équipes. Après, ça fait partie du jeu, on se prendra des points, est-ce qu'on en marquera plus qu'eux, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai peur des Kansas, des Broncos, et même des Colts, s'ils sont qualifiés. Bon, ça paraît plus compliqué, mais voilà, d'équipes de Roethlisberger. J'ai un petit peu peur des QB qui balancent des grosses bombes dans la end zone, et j'ai peur d'un match nul. Il reste 2 minutes à jouer dans le quatrième, et l'adversaire a une possibilité. De lancer une grosse bombe pour se rapprocher de notre en but, il la lance, Logan Ryan se trouve. Voilà, j'ai un petit peu peur de ça, mais maintenant on verra. Bah ouais, après c'est que les Steelers, ce serait un peu force contre faiblesse, quoi. Si Antonio Brown plus Martavis Bryant plus ça peut faire beaucoup de monde. Donc c'est limite le plus gros problème de Pittsburgh, c'est que leur défense monte aussi un peu en régime par rapport à ce qui était attendu. Donc elle pourrait faire des coups, elle pourrait forcer un fumble, parce que s'ils avaient eu une défense aussi faible que l'an dernier par exemple, bon voilà, c'était des points, mais les Patriots s'en mettront aussi, et c'était jouable. Les Chiefs par exemple, à mon avis, sont inférieurs parce que Alex Smith peut pas suivre, ou il peut suivre mais beaucoup moins, il a moins d'armes. Voilà, même si sa défense, je pense que Tom Brady peut craquer un peu plus la défense des Chiefs que Alex Smith dans l'autre sens. Même chose pour les Texans s'ils passent. Donc, je pense que le vrai danger, c'est vraiment un Ben Roethlisberger qui serait en feu un soir contre les Patriots. Mm-hmm. Les Bengals, ça aurait pu être dangereux s'ils avaient gardé Andy Dalton, parce qu'il y a beaucoup de cibles aussi. C'est surtout ça, en fait, c'est ces attaques avec beaucoup, beaucoup de cibles qui peuvent être dangereuses. J'ai pas parlé des Bengals par rapport à Dalton, mais bien sûr que voilà, ouais, c'est, ça. C'est des équipes qui font peur, quoi, clairement. Parce que Edgy Green, Marvin Jones... Ah bah ouais, il y a du monde, là. Il y a plein de gars. Mm. Donc, je pense, et ils sont complets. C'est-à-dire que les Bengals, il y a une défense. S'ils jouent les Colts et que, mettons, Andrew Luck revient et il distribue 35 points... En un sens, ils peuvent leur en passer 45. Oui, tout à fait, c'est vrai. Voilà, ça modère. Donc, honnêtement, c'est ces équipes. Steelers, très très grosse attaque avec défense qui peut faire des coups. Bengals, très complet. Broncos, très complet aussi, mais comme ils ont un problème gigantesque maintenant au poste de quarterback. On en a parlé un peu dans le podcast d'aujourd'hui de notre côté, mais Gary Kubiak, il est malheureusement hyper coincé. C'est-à-dire que s'il nomme Osweiler titulaire pour les playoffs et qu'il perd, on lui dira qu'il aurait dû mettre Manning, et s'il met Manning, on lui dira qu'il aurait dû mettre Osweiler. Donc il n'est pas dans une position confortable. Moi, je reste persuadé qu'il faut mettre Manning. Ouais, mais après, enfin, moi, c'est pareil, on en a parlé de notre côté, mais Manning, il n'a pas joué depuis 5 matchs et pourtant il est toujours le leader de la NFL aux interceptions, quoi. Ouais, c'est vrai aussi. Donc il en a lancé 17 contre 9 touchdowns, quoi. C'est compliqué aussi. Ils sont vraiment dans une vraie galère. Donc j'espère pour eux que ça va pas les bouffer, ça va pas leur prendre de l'influx mentalement et que ça va pas créer des petites embrouilles et des trop de réflexions. Mais les Broncos, c'est plus incertain. Mais c'est vrai que je pense que les Patriots sont favoris aujourd'hui parce qu'ils sont champions en titre. Et puis après, le Super Bowl ne serait pas cadeau non plus, hein, de toute façon, s'ils y vont, parce que Seahawks, Panthers ou Cardinals, il va falloir les prendre. Ah, de toute façon, je pense que cette année, si on n'est pas fou, je pense que c'est l'équipe NFC qui va être championne. Je pense que ça serait assez logique que de dire ça. Bah, disons que si on regarde les équipes les plus complètes en l'état actuel des blessures, donc si on enlève Dalton, si on enlève Manning, etc., du coup, les plus complets, c'est les Cardinals et c'est les Panthers, quoi. Ah bah, clairement. C'est énorme défense, très bonne attaque. Les Cardinals, on parlait de cibles multiples. Ils ont 25 mecs qui s'appellent Brown et qui peuvent capter le ballon. Josh, Marvin, tout ça. Ils ont les Brown, ils ont Fitzgerald, ils ont Floyd, ils ont 20 000. Ils sortent un coureur. Quand Johnson se blesse, ils en sortent un meilleur. Ouais, et puis ils ont Carson Palmer qui fait sa meilleure saison, quoi. C'est ça, Palmer. Et puis le mec, bon, donc pour le suivre depuis pas mal d'années et connaître son papa, du coup, je pense que ce gars, il attendait enfin d'avoir une équipe comme ça. Donc il a l'expérience, il a le talent et il a enfin l'équipe autour. Donc non, les Cardinals, demain ils vont au Super Bowl, je suis pas surpris, quoi. Petit hic, ils ont quand même perdu Tyrann Mathieu. Hein. Ouais, ça va faire mal, par contre. Ouais, mais après, bon. Quand on a des équipes si fortes et si profondes, il n'y a pas de. Ce sera un trou forcément parce que c'est un de leurs gros playmakers, mais. Oui, mais ils peuvent le compenser à côté, quoi. Ouais, ça rien de faire un tel boulot sur cette équipe que, franchement, ça me. Moi, je pensais vraiment qu'ils perdraient en termes de défense avec le départ de Todd Bowles parce que c'était vraiment un excellent coordinateur. Et finalement, voilà, ils sont toujours là, même si elle n'est pas aussi dominante peut-être, mais ils ont toujours une très bonne défense. Et non, au final, Arians gère ça. Vraiment de manière impeccable, je trouve. Moi, sur les Panthers, j'ai plus de doutes. Parce que je trouve que ces Panthers n'ont pas rencontré encore une très... Ils ont eu un calendrier assez aisé. Bon, ils sont tombés contre les Packers, mais les Packers, c'était moins bien. Ils n'ont pas rencontré une vraie difficulté. Là, ils sont tombés contre les Giants, c'était difficile. Mais avec les Giants, on n'est toujours jamais à l'abri d'une surprise. Mais une vraie équipe plus complète face à eux, ils n'ont jamais rencontré. Donc, pour moi, les Panthers, je pense que c'est une équipe qui peut sortir dès le premier tour. Je pense aussi, et on en a souvent parlé ensemble, Cédric, sur ce podcast. Moi, les Panthers, je trouve, alors c'est super joli à voir, c'est à la mode, les Américains, ils sont en folie. Mais j'attends de voir quand ils vont tomber contre des équipes, contre les Seahawks, contre les Packers, contre les Vikings même, voilà. Ça peut faire bizarre, ouais. Je vous trouve dur, même... Alors, je sais que c'est l'équipe la moins convaincante à 14-0 de l'histoire, mais C'est quand même 14-0 en NFL, quoi. Ah non, mais moi, je dénigre pas du tout leur 14-0. Ah, moi non ils plus, le font, ils le font et ils le font de belle manière. Honnêtement, c'est une équipe que je trouve très agréable à regarder. Et puis, j'adore Cam Newton depuis toujours. Donc, après, je comprends le. Mais je pense que. Voilà. Je comprends le doute, parce que c'est vrai qu'on a. Et puis, on n'a pas l'habitude de dire les Panthers sont ultra dominants. C'est pas un truc qui est dans nos gènes depuis longtemps. Ouais, après, il y a des joueurs qui sont là depuis 3-4 ans et qui bossent et qui bossent et qui montent depuis 3-4 ans doucement, qui parlent pas et qui font leur taf. Et d'un coup, il y a un Cam Newton qui explose. Non, ça peut les... je pense qu'ils peuvent vraiment être la surprise de l'année. De toute façon, pour le moment, ils le sont. Mais j'ai un petit doute sur le petit détail en playoff qui va faire la différence. Voilà. Je les vois perdre, on va dire, sur un détail un petit peu con, en fait. Quoi. Il y a peut-être un manque d'expérience, peut-être un petit truc comme ça. Bah, c'est l'expérience. Et on parlait des Patriots qui ont l'expérience sur la bye week, eux, ils l'ont pas. Oui, mais bon, ils étaient en playoff l'an dernier, ils ont passé un tour, ça se construit petit à petit. C'est un peu comme les Seahawks il y a 3-4 ans. Quoi. Ça, je sais pas, moi, je vois les Cardinals plus forts. Ça, c'est sûr. Plus complet et je pense avec, même si je suis un fan des deux QB, avec un QB qui est quand même, qui a plus d'expérience, je pense, du côté des Cardinals. Oh, ça, je sais pas. Il passe pas de tour de playoff avec les Bengals, Palmer, je crois. Non, mais je veux dire l'expérience d'être dans plusieurs clubs, d'avoir fait des belles saisons. Alors oui, après, en playoff, ça sera autre chose. Pour le coup, Newton doit avoir ça pour lui qu'il ne réfléchit pas. C'est-à-dire qu'il a peur de rien. Et... Ouais, mais j'ai peur que ce soit son défaut. Ouais, mais il est vraiment fort quand même cette année. Ah, il est ultra talentueux, le gars. Il est... Oui, c'est un athlète, hein, c'est un athlète. Oui, oui, après, ça, oui, ça, c'est un buffet, c'est une arme en arme. Hein, c'est clair. Donc, non, ça, c'est... C'est... Moi j'adore Jonathan Stewart, je trouve que c'est un running back fabuleux. Ils ont sur le talent pur et sur le physique et tout, ils ont des athlètes exceptionnels les Panthers, parce que Kelvin Benjamin est pas là, mais quand ils ont les trois, ouais, c'est vrai. C'est quand même ça fait enfin la connexion Newton Benjamin, en espérant qu'ils reviennent à fond l'an prochain. Il y a de quoi quand même faire un truc super pour quelques années. En plus, il y a Funchess qu'ils ont drafté cette année. Enfin, s'ils continuent à bien l'entourer, ça peut être terrifiant. Surtout si Rivera continue à bien coacher la défense. C'est quand même... Non, c'est une belle histoire, cette franchise-là, quand même. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. Et Greg Olsen qui... Aussi. Qui franchit des niveaux hallucinants, parce qu'on parle de Gronkowski tout le temps, mais Olsen, il est monstrueux. Hein. Ouais, hyper sous-coté. Ouais, voilà, tout à fait. Autant il y a une énorme hype du côté au niveau des corners pour Norman, c'est vrai que du côté Olsen c'est beaucoup plus discret. Ouais, c'est discret, mais ça fait un travail de folie. Quoi. On a plus parlé de Tyler Eifert, même côté Bengals cette saison, ou Gary Barnidge à Cleveland qui est sorti du lot parce qu'il n'y a pas grand chose. Mais du coup, c'est vrai qu'Olsen, on n'en parle pas assez. Hein. C'est aujourd'hui, il est dans le top 5 des tight ends de la ligue, voire top 3. Voire top 3, ouais, tout à fait. Ouais, je pense qu'il est avec Eifert et Gronkowski. Hein. Je crois aussi. Ouais. Ouais. Après, c'est l'équipe qui revient en forme aussi, c'est Seahawks. Alors après, la défense, je peux encore taffer, mais Seahawks reviennent très très bien. Et surtout, on redécouvre une équipe d'attaque. Parce que là, pour le coup... Bah, et puis là, on parlait d'expérience. Oui, là, ils l'ont. Ah oui, là, ils l'ont. Ils l'ont et ils ont une revanche à forme. Ah, ils connaissent la musique, vraiment. Ça va être, pour le coup... on parlait des Steelers épouvantail dans l'AFC... Ceux qui vont devoir se coltiner les Seahawks, surtout que le premier tour, alors eux ils vont avoir un premier tour, mais le premier tour ils vont jouer contre l'équipe qui va gagner la NFCS, donc normalement c'est facile. Compliqué, ils vont s'échauffer pour le suivant. C'est ça. Et donc le suivant, j'ai pas fait le calcul si ce sera du coup, ils vont être 5, donc ils vont jouer quoi, les Cardinals, je pense, au tour d'après. C'est pas les Panthers qui vont tomber contre les 4. Ah non, ils sont dans les 4. Donc je sais pas. Non, un deuxième, sinon un Vikings ou un truc comme ça. Je suis mauvais pour les calculs de ces trucs-là, moi c'était 4 et 5. Oui, c'est ça, ils jouent les Cardinals s'ils gagnent au tour d'après les Seahawks. Et ils joueraient les Panthers en finale de conf s'ils vont au bout. En tout cas, ça fera des matchs passionnants. Hein, dans tous les cas. Ah, mais je veux dire, les Seahawks, c'est après la NFCS au premier tour. Derrière, ils joueraient des Cardinals qu'ils connaissent bien. Donc, rien d'impossible. Et puis, les Panthers en finale de conf. Si les Panthers ne sont pas très bien préparés à la finale de conférence, ou qu'ils y mettent un petit peu de temps à rentrer dans le match parce qu'ils ne sont pas habitués à ce niveau-là, on se retrouve avec une troisième fois les Seahawks au Super Bowl. Contre les Patriots. Justement, la question, les Patriots, vous les voyez où en playoff cette année? C'est toujours c'est tellement dur de pronostiquer les playoffs NFL. Je peux vous en parler tous les ans. Même si je précise encore que j'ai pas perdu les pronos l'an dernier. Mais non, je pense que c'est un vrai prétendant. La situation, j'aurais dit les Bengals ou les Broncos avant qu'il y ait les blessures. À mon avis, c'est Steelers ou Patriots. Je pense que c'est celui qui va sortir de cette partie de tableau-là et qui va au bout. Donc ouais, je vois bien Steelers ou Patriots. Après, l'histoire serait belle. Alors, je sais qu'il ne veut pas prendre sa retraite, mais Brady qui va gagner à San Francisco un cinquième titre et puis qui s'arrête là-dessus. Lui qui est californien, qui a idolatré Montana. Ça serait énorme. c'est clair que ça serait un beau match, un beau souvenir pour lui. Ben moi, je suis assez d'accord avec toi, Alain. Ça sera ce jour soit entre les Steelers, s'ils se qualifient, et les Patriots. Parce que pour moi, les Steelers, c'est tellement l'épouvantail. Comme tu l'as dit, hein, je ne vais pas répéter, mais la défense revient et puis ils en attaquent. Ils sont bons partout, que ce soit en receveur, que ce soit au niveau des coureurs. C'est vraiment l'équipe, en plus, qui va continuer à monter en régime petit à petit, qui va arriver à lancer, même avec un tour de wildcard, dans ses playoffs. Donc oui, ça va être celui qui va gagner ce duel-là, qui risque d'aller au Super Bowl. Ça, c'est une certitude. Et de ton côté, président ? Je pense qu'on a une équipe qui joue, qui a la chance de jouer dans une conférence et dans une division qui est pas forcément d'un niveau exceptionnel cette année. Donc je pense qu'on a la capacité d'avancer dans ces playoffs. Maintenant, moi, je reviens sur tout ce que j'ai dit durant toute l'émission. J'ai un doute sur notre backfield. Donc, qui dit doute dans le backfield dit peur de prendre des gros, gros gains et surtout le touchdown qui ferait mal dans les dernières secondes après des passes à Ave Maria dans l'embute adverse. Donc, je nous vois pouvoir nous faire éliminer par un QB talentueux. Donc, après, oui, ça peut tout à fait être Ben Roethlisberger. Maintenant, je nous vois aussi dans cette conférence avoir une possibilité d'avancer et d'aller un peu loin. Donc, est-ce qu'on ira jusqu'en finale, on perd en finale de conférence ou est-ce qu'on peut aller au Super Bowl, ça, moi non plus, je vais pas tenter le pronostic, quoi. N'oubliez pas que j'avais dit que cette année, au Super Bowl, ça serait les Colts qui y seraient. Donc, ouais, non, j'ai peut-être pas les meilleurs pronostics cette année non plus. Ah, c'est en début de saison, les Colts, ça avait quand même une... Ouais, c'est fantastique. Je les croyais capables, mais bon, finalement, ça... Et puis après, on va pas se mentir, il faut que le Super Bowl, ça vende un peu de rêve quand même. Donc, bon, rien contre ces équipes ou quoi que ce soit, mais Chiefs ou Texans ou Redskins ou... Ouais, non, c'est pas possible. Donc, non. Ah bah, c'est, bon. Je pense qu'une affiche de rêve, le remake du Super Bowl de l'an dernier après la conclusion qu'il y a eu, cette année à San Francisco en plus. Oh, moi, je prends aussi les Patriots, Panthers pour faire la... La revanche de 2004, hein, ça. Après. De 2003. Oui. Bah, sinon, c'est vrai que refaire un Patriots Seahawks, ce serait une affiche énorme et donc. Exceptionnelle. Ce serait super à suivre. Je veux dire, même pour nous sur le site, voilà, c'est une affiche qui claque, il y a de l'enjeu et puis il y a des sacrés personnages, quoi. Il y a une revanche. Voilà, il y a un vrai truc. Après, moi, j'avoue que 3 ans de suite, les Seahawks au Super Bowl, j'aimerais bien un peu de changement. C'est vrai. Les Cardinals, ce serait pas mal. Les Panthers, ce serait une belle histoire parce qu'il y aurait un côté passation de pouvoir, même si Russell Wilson, c'est aussi du jeune. Mais Cam Newton, ça pourrait être marrant aussi. Enfin, voilà. Oh, moi, j'aimerais même bien voir Green Bay aussi. Ça serait joli. Mm. J'avoue que ce serait, bah, ayant été un peu comme tout le monde, aussi quand même grandi avec du Brett Favre. Oui, forcément. Et puis là aussi, il y a une passation de pouvoir avec Aaron Rodgers qui mériterait peut-être d'avoir un finish plus joli de carrière, quoi. Bah, je vais pas vous mentir, normalement j'espère y être. Tout ce qui peut permettre qu'Olivia Munn soit sur place, moi mon champ. Donc je croise les doigts pour que ce soit les Packers. Moi je croise les doigts pour que ce soit les Patriots pour y être aussi. Bon, alors moi ça sera pas dans mon boulot, mais je viendrai. Je te donnerai rendez-vous. Voilà, là. Par contre, moi, si c'est les Packers en finale, je veux le selfie avec Olivia Munn. J'aimerais bien, mais l'an dernier, elle était passée à Phoenix parce qu'ils ont fait les NFL Awards là-bas aussi. Mais j'étais pas allé à la soirée des Awards. Donc, malheureusement, pas vu, mais j'ai appris le lendemain qu'elle était passée. Voilà, mon grand désespoir, on ne s'est pas vu. Parce que ça, Ça, c'est le selfie, je pense, ça finit c'est home page sur le site. Ah, hein, là, oui. Oui, je pense que c'est en une, ouais. Il n'y a aucun commentaire, pas de texte, mais je mets juste la photo. Ouais. Et je même pense pas le résultat du Super Bowl, rien. Ouais, je pense que c'est ma photo de profil sur Twitter pour les 10 prochaines années. Mais en tout cas, merci messieurs, c'est ainsi que cette émission se termine. Encore merci Alain d'avoir accepté notre invitation et d'avoir participé à cette émission. Et ben merci à vous, avec plaisir. Ouais, merci beaucoup. Alain, on vous retrouve à @AlainMattei sur Twitter. On vous retrouve chaque semaine dans le podcast de Tangent Actu et tous les jours sur le site. On vous retrouve aussi sur Match Sport pour commenter des matchs de NCAA, de football américain, mais aussi de basket. Et on vous retrouve aussi dans le Hoopcast sur Basket USA et sur Dailymotion. Merci Président aussi de m'avoir assisté cette semaine. Merci à toi Cédric de m'avoir invité. Moi il vous reste à vous souhaiter une bonne semaine, de bons matchs NFL, un joyeux Noël et n'oubliez pas le fan club français des New England Patriots partout, toujours. Bonsoir.